8e sacrement, l'appât de pied, l'église et la maison de tout le monde. Et Voloko chante. De ma voix, j'écris à l'Éternel. C'est prudence. Sibangako. À 10 photos, la maison. Chéri Baba, maître de Bébouma. Ani mon amour, talana, talata, la nenge yo bongi yo kondimate. Nakoye bisaka ya tango nyonso, yo zali mwasi yo leki basi ebele. Lelo moni nenge nini baweli yo, toko miko bomana mama. Chéri Bétena. Na moke moke na kosa lisa yo Moko kwa matande le presencia Ata nase ata na likolo Papa nzambe ako benga kayo Na yo kakaye na mungongo ya mawa Vivi Kelie, Patrick Sakombe Achabo, Ipoli Kikufi, Utema ya Bia Bobli Mon amour, talana talatala, denge yo bongi yo kondi mateo. Nakoye pisaka yo tango nyonso, yo zali mwasi yo leki basi ebele. Lelo omoni, denge nini baweli yo, toko miko boma na mama. Bibian elenge, papis. Et que les mamènes n'est qu'un pour moi. tave katanga le vrai oké na teze alole mungana lela otikinga moko na kachandako zonga zonga mwana mama